Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une sextape qui a brisé la carrière internationale de l'un des plus grands footballeurs français, Karim Benzema. Un énième scandale d'ailleurs dans le foot après le fiasco de Pinsta pendant la Coupe du Monde 2010, la fameuse grève de l'équipe de France, l'affaire Zaya. Cette histoire, c'est celle dite de la sextape, donc un chantage sordide devenu au fil des semaines l'affaire Benzema. À moins de 6 mois de l'Euro 2016, organisé en France, le footballeur est accusé de complicité avec des maîtres chanteurs qui ont tenté d'extorquer de l'argent à un autre joueur de l'équipe de France, Mathieu Valbuena. Plus de 4 ans après le déclenchement de cette affaire, rappelons que le procès n'a pas eu lieu et que Karim Benzema bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Écarté de l'équipe de France depuis 2015, il poursuit sa carrière avec le Real Madrid, plutôt brillamment d'ailleurs. Il a désormais le plus grand palmarès en club de l'histoire pour un joueur français, 4 Ligues des Champions. Reste que l'affaire a fait couler beaucoup d'encre et plusieurs questions demeurent. Karim Benzema a-t-il été victime d'un délit de sale gueule? Quel rôle a joué son entourage? Reportera-t-il un jour le maillot des Bleus? Notre invité aujourd'hui, Grégory Schneider, journaliste à Libération. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrer, réalisation Jérôme Moulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mardi 6 décembre, Stade Gerland à Lyon. Le jeune Karim Benzema est ému et pour cause, il s'apprête à disputer son premier match de Ligue des Champions. C'est la 6e et dernière journée des phases de poule. L'Olympique Lyonnais est donc déjà qualifié pour les 8e de finale. Ce soir-là, l'OL affronte les Norvégiens de Rosenborg, assez décontracté finalement. Gérard Houllier, l'entraîneur, décide de plonger dans le grand bain européen deux jeunes joueurs prometteurs, deux futurs bleus, deux complices du but qui ont notamment remporté le championnat d'Europe des moins de 17 ans face à l'Espagne un an et demi plus tôt. Ils s'appellent Ben Arfa et Karim Benzema. La fameuse génération qui promet tant avec Samir Nasri et Jérémy Ménez. Les quatre fantastiques comme on les surnommera un temps. Un temps seulement. À la 33e minute, le numéro 9 lyonnais John Carew déborde sur le côté droit, dribble un joueur, puis deux fonce vers le but et centre en retrait, l'arme fatale au foot. Et le numéro 19 reprend du pied droit, le gardien n'a aucune chance. Derrière but ! Oh là là ! Et but ! Super ! De Benzema ! Le voilà, son premier but chez les pros ! Que c'est beau ! L'action de John Carew, une merveille ! Oh là là. Et le but de Benzema, Bernard ! Karim Benzema devient le plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. À 17 ans et 352 jours, il est encore aujourd'hui devant Kylian Mbappé. En tout cas, c'est le début d'une longue carrière prometteuse pour le jeune natif de Bron, dans la banlieue lyonnaise. Très vite, il s'invite régulièrement dans le 11 de l'Olympique lyonnais, l'équipe française qui à l'époque domine le championnat français de la tête et des épaules. Les portes de l'équipe de France s'ouvrent à lui, logique. Mais une autre sélection lorgne sur le jeune crack. C'est le pays de ses parents, de ses origines, l'Algérie. Le sélectionneur des Fenech, Jean-Michel Cavalli, se rend à Lyon pour convaincre Karim Benzema de jouer avec l'Algérie. Mais le jeune lyonnais a fait son choix. Ce sera l'équipe de France. Il se confie dans une interview à RMC. La sélection algérienne, est-ce que pour toi c'est possible ou c'est plus possible la sélection française? Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai une discussion avec que ce soit le président ou l'entraîneur, on a bien parlé. Maintenant, moi, je dis l'Algérie, c'est le pays de mes parents, c'est dans le cœur. Mais bon, après, sportivement, c'est vrai que je jouerai en équipe de France, quoi. Okay. Là, toujours présent pour l'équipe de France. Aujourd'hui encore, Karim Benzema traîne cette interview comme un boulet. On reproche en effet au jeune homme âgé de 18 ans, à l'époque, les raisons de son choix. Pas pour la France, non, pour le maillot bleu sous lequel on peut décrocher les plus grands titres. Bref, c'est juste un choix sportif. Mais avec Karim Benzema, le talent étouffe toutes les critiques. Lors de sa première apparition avec les Bleus le 28 mars 2007 face à l'Autriche, il ne faut que 7 minutes à l'attaquant lyonnais pour inscrire son premier but sur une passe d'un autre prometteur, Samir Nasri. Deux ans plus tard, il quitte son club formateur, l'Olympique Lyonnais, avec dans les bagages 4 titres de champion de France et une Coupe de France. Pas mal, pour un joueur de 21 ans. Courtisé par Manchester United, le jeune Lyonnais prend finalement la direction du club de ses rêves, le Real Madrid. Montant du transfert, 35 millions d'euros. Salaire annuel, plus de 6 millions par an. Lorsque Karim Benzema débarque dans la capitale espagnole, il est présenté aux sociaux madrilènes. Ils sont près de 20 000 à s'être rassemblés dans le stade Santiago Bernabéu pour écouter les premiers mots en espagnol du jeune français. Très réservé, pas fan des prises de parole en public, Benzema répète son discours la veille avec son frère dans la chambre d'hôtel. Et le lendemain, il fait face à la foule. Soy muy contento de jugar en el club, en el mismo club de mis ídolos Zidane y Ronaldo. Un, dos, tres. À la Madrid! Malgré le montant du transfert et le talent de Karim Benzema, le Lyonnais reste dans l'ombre des autres recrues du Mercato XXL réalisé par le club de Madrid à l'été 2009. De retour à la présidence du club, Florentino Pérez n'a pas cassé la tirelire, il l'a explosé. 257 millions d'euros dépensés pour lancer une nouvelle ère galactique au Real. Il recrute notamment les deux derniers ballons d'or, Cristiano Ronaldo, en provenance de Manchester United, et Kaka, qui lui arrive du Milan AC. Karim Benzema met du temps à s'imposer dans cette équipe de stars, avec la concurrence notamment, et encore, du franco-argentin Gonzalo Higuain, une star de la Juve, Juventus de Turin, aujourd'hui. À l'été 2010, Raymond Domenech ne sélectionne pas le jeune français pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Ah, 2010. Knysna, la grève du bus, l'image désastreuse donnée par les Bleus après une compétition manquée. Alors on pense souvent que Karim Benzema faisait partie de cette triste aventure. Eh bien non. Mais seulement un mois après le fiasco du Mondial 2010, une nouvelle affaire agite le monde du football français. Une histoire de prostitution. L'affaire Zaya, du prénom de cette escort girl, qui affirme avoir eu des relations sexuelles avec des footballeurs de premier plan, parmi eux Franck Ribéry et Karim Benzema. Voilà, du foot, de l'argent, de la prostitution, rien de très nouveau. Sauf que Zaya était mineure au moment des faits, et là, c'est une autre histoire. Alors la justice française s'intéresse de près aux deux clients présumés. Mais Karim Benzema est formel, il n'a pas eu de relation avec Zaya. Quant à Franck Ribéry, il ignorait son âge, 17 ans. Mais les deux joueurs sont mis en examen pour sollicitation de prostituées mineures. L'ombre de l'affaire Zaya va planer au-dessus des deux joueurs de l'équipe de France pendant plus de 3 ans et demi. Le 30 janvier 2014, le tribunal correctionnel relaxe Franck Ribéry et Karim Benzema. Sylvain Cormier, l'avocat de l'attaquant du Real Madrid, réagit au micro de France Inter. C'est très venimeux, cette une instruction, d'être accusé de quelque chose que vous n'avez pas commis. C'est épuisant, c'est moralement extrêmement éprouvant. Mais ça n'a pas détruit sa carrière, parce que Karim est quelqu'un d'opiniâtre, d'endurant, et qui a supporté cette épreuve en faisant face à ses obligations professionnelles jusqu'au dernier moment. Cela n'a pas détruit sa carrière, non, en effet, depuis le début de l'affaire Zaya, en juillet 2010, Karim Benzema s'est imposé au Real, tranquille. Après avoir subi les pics de l'entraîneur José Mourinho, qui avait notamment comparé l'attaquant à un chat, Karim s'est endurci et s'est imposé comme titulaire après le départ de Gonzalo Higuain et l'arrivée de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Côté équipe de France, il revient dès l'automne 2010 avec le nouveau sélectionneur Laurent Blanc. Après une prestation, disons, moyenne à l'Euro 2012, il est de nouveau installé à la pointe de l'attaque par Didier Deschamps. Karim Benzema connaît une très longue période sans marquer. 1222 minutes, 15 matchs, ça la fout mal pour un buteur. Mais Deschamps le soutient, coûte que coûte. Et le 11 octobre 2013, Benzema inscrit le 6e but de la France face à l'Australie. Il a vaincu le signe indien sous le maillot bleu. Le public du Parc des Princes chambre le joueur en criant « Il a marqué, il a marqué !» Alors l'attaquant lève le pouce et applaudit les spectateurs. Chose rare, il esquisse même un petit sourire. Karim Benzema, à qui l'on reproche son visage fermé, renoue avec les supporters tricolores. « Un peu plus d'un mois plus tard, il fait carrément chavirer le Stade de France. Ce 19 novembre 2013, les Bleus affrontent l'Ukraine dans un match de barrage qualificatif pour la Coupe du Monde. Défait à l'aller 2-0, les Bleus doivent gagner par 3 buts d'écart pour obtenir un billet pour la Coupe du Monde 2014 qui se déroulera dans la patrie emblématique du ballon rond, le Brésil. À la 34e minute, Karim Benzema donne espoir à tout un peuple en inscrivant le but du 2-0. Après le troisième but français, tout le monde peut souffler. Les Bleus iront bien au Brésil pour la prochaine Coupe du Monde. À la fin de la rencontre, Karim Benzema s'empare du drapeau tricolore et le brandit. Mais on ne retient pas cette image, non. On préfère souligner qu'il ne chante jamais la Marseillaise. Alors qu'il n'est pas le seul dans l'histoire. Michel Platini, par exemple, ne l'a jamais chanté. Lui non plus. Il s'est d'ailleurs exprimé sur ce sujet en 2018 sur France 2. S'ils étaient blancs qui chantaient pas, ça posait pas un problème. S'ils étaient un peu de couleur et qui chantaient pas, ça posait un problème. C'était un problème, c'est honteux, quoi. Honteux. Moi, j'ai jamais chanté. Et j'ai dit pourquoi je ne chantais pas. Parce que c'est un hymne guerrier. Moi, j'allais jouer au football. Si j'allais à la guerre, j'aurais peut-être chanté. Et jouer au football, je ne chantais pas. 2014 s'annonce comme une belle année pour Benzema. En janvier, nous l'avons dit, il est relaxé dans l'affaire Zaya. En février, il devient papa de la petite Mélia. En mai, il remporte la Ligue des Champions avec le Real Madrid. L'un de ses plus grands rêves devient réalité. Le mois suivant, il en réalise un autre, jouer une Coupe du Monde, qui plus est au Brésil, le pays de son idole de jeunesse, Ronaldo. Pas celui de la Juventus, hein, l'autre. Lors des matchs de poule, il fait sensation. 3 buts et 2 passes décisives. Malheureusement, les règles du foot sont simples. C'est un jeu qui se joue à 11 dans chaque équipe et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Et ben, ça n'a pas manqué. Comme souvent, les Allemands cassaient le rêve français en quart de finale sur le plus petit des scores, 1-0. Du côté de Karim Benzema, c'est la déception. La presse lui reproche ses prestations face à l'Allemagne. Le lendemain, le journal L'Équipe lui attribue la note de 3 sur 10. Du côté de ses proches, c'est la colère qui l'emporte. Son entourage, c'est notamment deux autres Karim, Jaziri et Zenati. Karim Jaziri, c'est l'agent de Benzema. Il s'occupe des contrats et des relations avec la presse. Zenati, lui, c'est un ami d'enfance, un caïd condamné à plusieurs années de prison pour un braquage et un go-fast qui transportait 200 kilos de cannabis. De retour à Ribeirão Preto, la ville où les Bleus ont pris leur quartier au Brésil, les deux Karim, Jaziri et Zenati, font le tour des boîtes de nuit de la ville à la recherche des journalistes de l'équipe. Lorsqu'ils les croisent, le ton monte, les esprits s'échauffent et les deux hommes frappent un reporter. Et ça, la presse française ne l'oubliera pas. D'autant qu'en novembre 2015, l'affaire de la sextape éclate dans les médias. Du sexe, de l'argent, du foot et un joueur star mis en examen. Le plus capé de l'équipe nationale. Karim Benzema. La mise en examen de Karim Benzema. Une affaire crapuleuse qui mêle l'argent et l'intimité. Pour complicité de tentative de chantage contre Mathieu Valbuena. Le monde du football est donc en pleine tempête. Karim Benzema, star mondial du foot, passe la nuit en garde à vue. La nouvelle fait sensation. Tous les ingrédients sont réunis, sexe, foot et chantage. Comment en est-on arrivé là ? Septembre 2014, Axel Angot, le monsieur informatique de nombreux footballeurs professionnels, est chargé par Mathieu Valbuena de transférer des données de son téléphone portable vers un nouveau smartphone. Lors de la manipulation, Angot tombe sur plusieurs vidéos et photos intimes du joueur. Il les stocke sur un disque dur, ça peut toujours servir. Il confie sa découverte à Mustapha Zouaoui, surnommé Sata. Lui, c'est plutôt le concierge de luxe de nombreux joueurs. Depuis des années, il leur déniche les derniers objets à la mode, gère les déménagements et autres tracas de la vie quotidienne. Les deux hommes font des affaires lucratives, mais ils contractent aussi des dettes. Début 2015, ils doivent rembourser 25 000 euros pour une histoire d'achat de montre. Un coup qui a foiré, mais la dette, elle, est bien réelle. L'idée du chantage à la sextape germe alors dans leur esprit. D'abord, ils imaginent demander 1 million d'euros à Valbuena. Bien, mais comment l'approcher ? Les deux maîtres chanteurs connaissent le joueur, mais il faut avancer masqué et trouver un intermédiaire. Première tentative, Djibril Cissé. Ango et Satan le connaissent bien, et Cissé connaît Valbuena. Les deux malfaiteurs appellent Djibril Cissé le 9 mai 2015 et lui envoient des captures d'écran de la sextape. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille informe Valbuena qu'une vidéo intime de lui circule. conseil amical? Peut-être. Cissé avait lui-même été victime d'un chantage à la sextape quelques années plus tôt et il avait payé. La piste Cissé n'est pas fructueuse pour les maîtres chanteurs. Il décide alors d'utiliser la méthode du corbeau. Il contacte Younes Ouas, qui vient un temps a fait chauffeur pour des footballeurs, mais qui vit désormais du RSA. Et il accepte sans sourciller. Lors d'un rassemblement des Bleus à Clairefontaine, Mathieu Valbenat reçoit un appel. C'est le corbeau. Il lui parle de la sextape. Le joueur de l'équipe de France fait durer l'appel et se presse dans les couloirs pour aller à la rencontre de l'officier de police chargé de la sécurité de l'équipe. Lorsqu'il le trouve, il met le téléphone sur haut-parleur. Pour l'officier de police, pas de doute, c'est une tentative d'extorsion. Valbenat porte plainte et la police charge un agent sous couverture de jouer l'intermédiaire. C'est donc lui qui va traiter avec les maîtres chanteurs. Mais Sata et Ango sont impatients. La piste du corbeau n'aboutit à rien et ils soupçonnent le nouvel intermédiaire d'être un policier. Ils pensent alors à une troisième piste pour convaincre Mathieu Valbenat de payer. En août 2015, Sata, qui connaît Karim Zenati, le meilleur ami de Benzema, est introduit lors d'un déjeuner auprès de la star madrilène. C'est l'entrée en jeu de Benzema dans l'affaire. Mais pourquoi accepte-t-il de jouer l'intermédiaire? Une chose est certaine, le footballeur est multimillionnaire, ce n'est pas une question d'argent. Alors, veut-il prévenir Mathieu Valbuena qu'une vidéo circule? Comme Djibril Cissé, Benzema avait lui aussi été victime de chantage au printemps 2011. Karim Djaziri explique comment lui et l'avocat de Benzema avaient réglé l'affaire. On a porté plainte, car on voulait donner une leçon au maître chanteur et prévenir les prochains. Ceux qui auraient l'idée de tenter leur chance de profiter de la notoriété de Karim pour se faire de l'argent. Sur ces photos, on ne voyait absolument rien, simplement Karim et son ami du moment, au restaurant, dans une voiture. Son ami était juste mineur. Et les maîtres chanteurs espéraient récupérer de l'argent avec ça. Ils avaient même commencé à appeler les journaux espagnols pour essayer de les vendre. Début octobre 2015, les joueurs tricolores se rassemblent à Clairefontaine, au cœur de la forêt de Rambouillet. Calme et paisible, c'est l'endroit idéal pour préparer sereinement les deux prochains matchs, face à l'Arménie et au Danemark. Pas de pression, ce sont juste des matchs amicaux. Les Bleus sont qualifiés d'office pour l'Euro 2016, organisé en France. Les policiers qui ont mis sur écoute les maîtres chanteurs préviennent alors Mathieu Valbenat. Un joueur de l'équipe de France va l'approcher pour lui parler de la sextape. Mais Valbenat tombe des nues quand c'est Karim Benzema qui vient lui dire « Matt, faut que je te parle, c'est important. » Le lendemain, mardi 6 octobre, Mathieu Valbuena frappe à la porte de la chambre de Karim Benzema. Juste après le dîner, il est 21h30. D'emblée, Karim lui lance « Matt, il y a une vidéo, c'est chaud. » À aucun moment, l'attaquant madrilène ne parle d'argent. Il dit qu'il a vu la vidéo et qu'il a un ami qui peut aider à la faire disparaître. Alors, ce qui s'est dit réellement entre les deux footballeurs, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que Benzema appelle son ami Zelati après son entrevue avec Valbuena. Mais il est loin de se douter que son interlocuteur est sur écoute. Le 10 novembre, Europe 1 sort des extraits de la conversation. Qui a sorti ses écoutes en violant le secret de l'instruction? On ne sait pas. Mais il est certain que le but est d'enfoncer Karim Benzema. Le lendemain, le quotidien L'Équipe renchérit en publiant l'intégralité de l'écoute. Elle accable le joueur, en substance. C'est Benzema qui parle, en premier, Zenati lui répond, et ainsi de suite. Benzema donc. Vas-y, j'ai vu l'autre. Zenati, et alors? Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense... Quoi, la vérité? Ouais. Bah, j'en pense qu'il nous prend pas au sérieux. Ouais. Ça veut dire, en vérité, il va rien lâcher, celui-là, hein? Ah, je l'ai vu avaler de travers. Il commençait à avaler deux, trois fois de travers. Je lui dis, regarde, moi je m'en bats les couilles. Ah, ils vont lui pisser dessus, frère. Moi je m'embête, hein? Ah, les piranhas, ils vont le manger, frérot. Voilà. Ces propos vont choquer les Français. Et surtout l'un des principaux intéressés de l'affaire, Mathieu Valbuena, trahi par son coéquipier. Quelles étaient les intentions de Karim Benzema? Cette question est sur toutes les lèvres. Moi je vais te dire la vérité. Ne fonce pas déconner, joue pas au rebondé, tu te feras détrôner. lire la routine, l'amertume à travers la rétine de mes yeux. Parmi les victimes du système, je suis le narrateur du pourquoi. Ce mode de vie, on en connaît tous la cause, mais bon voilà quoi. Faut faire quelque chose pour nos rejetons. Et si je t'en passe, parce que nos mères ont les jetons. Avis à la génération bouton, 10 à la vingtaine, tourne le bouton. Prête attention au message, très important. Considère ces informations comme une alerte. Toi qui es en pleine formation, avant que mon pouce soit déclaré inerte, il m'incombe d'éviter de courir droit à ta perte. On se met blessé d'illusion, la plaie bien ouverte en plus de la télévision. Et l'influence que porte le mauvais exemple, bitume l'engrenage est de plus en plus ample. Mais qui est l'exemple? Et celui qui s'instruise, détruit en séjournant en tôle en faisant du mal à autrui. Mais qui est l'exemple? Celle qui s'instruise, détruit en pensant qu'à se divertir de mec et de boîte de nuit. À tous les grands frères, toutes les grandes sœurs, servons de modèle à nos petits frères, à nos petites sœurs, rof l'avertisseur. J'ai fait des conneries de grande envergure, mais faut bien qu'on change un jour, même si c'est hyper dur. C'est de l'endroit chemin, trace ta route, ne te retourne pas. Chacun sa chance, pour certains la roue ne tourne pas. Ne fume pas, ne saoule pas. Pour ta maman et ton avenir, va à l'école, ne déconne pas, ne traîne pas. Rien à gratter à part des problèmes d'argent sale et d'embrouille qui devient écrite à la haine. Là on n'abrite que des bêtes féroces comme aliens. Croisant mon expérience, je suis la philosophie et la haine. Y'a pas de destin commun, fais aux garçons, nous sommes les parents de demain. Chant l'attention du bon exemple, faut s'identifier, faut se méfier, démoraliser d'un jour. Une fois contaminé, on devient sourd. Quand ouais. Fait-il est croqué, c'est par couverture. Combien d'années dure la vie d'un voyou, un monde se faire condamner. On donne des bons conseils aux nouvelles générations, tandis que les cons essayent de troubler nos opérations. Chacune de mes phrases coûte cher. Si je te raconte de la merde, ça peut te coûter très cher. Je compte pas passer ma vie sur le béton. Faire des gosses, les voir béton. Pour quelques bâtons, à coups de bâton, leur expliquer les spétons. Tout ça instruit, détruit. En séjournant tôt, on sent du mal à autrui. Mais qui est l'exemple? Les celles qui s'instruisent, détruites. En pensant qu'à se divertir de mecs et de boîtes de nuit. Hein? Qui? Mais qui est l'exemple? Qui? Qui? Hein? Qui est l'exemple? Le 27 novembre 2015, l'affaire de la sextape rebondit. Le quotidien Le Monde publie dans ses colonnes une interview de Mathieu Valbuena qui accable Benzema. Moi, je respecte tout le monde, mais là, j'ai l'impression de me faire prendre pour un con. À un moment, je ne peux pas défendre l'indéfendable. Même à mon pire ennemi, je ne ferai pas ça. Je ne peux être que très très très déçu et constater que la relation avec Karim... elle n'est pas aussi sincère qu'il pouvait peut-être le prétendre. Pour Karim Benzema et son clan, c'est le début d'une course contre la montre, car il est impensable de manquer l'euro, évidemment. Tout comme pour Mathieu Valbuena, d'ailleurs. Rappelons que ce sont deux joueurs du 11 type de Didier Deschamps, des titulaires, des cadres de l'équipe. La bataille est à la fois juridique et médiatique. Et vu le grand déballage dans la presse, Karim Benzema s'exprime et accorde une interview sur TF1. C'est de l'acharnement, il n'y a rien d'autre à rajouter, je dirais, parce que là, on m'accuse, on me traîne dans la boue, comme si j'étais un criminel. C'est des choses horribles. Ce qui se passe, c'est simple. J'entends qu'il y a une vidéo qui tourne sur lui, donc je viens le mettre au courant. Je lui dis que je pouvais l'aider. Moi, je lui dis que j'ai déjà eu affaire à des histoires comme ça, et que moi, j'ai prévenu la police. Donc voilà, lui, il me dit qu'il a prévenu la police. Donc après, que j'entende que j'ai fait du chantage... que je lui ai demandé de l'argent. Ça me rend fou, en fait. Parce que ça n'a rien à voir. Parce que Dieu merci, je gagne bien ma vie et ça fait longtemps. Et quand je rends un service, j'attends rien en retour. Une semaine plus tard, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, annonce « Karim Benzema n'est plus sélectionnable jusqu'à ce que la situation évolue, jusqu'à ce qu'il y ait du nouveau dans le dossier. » Le joueur annonce sur Twitter qu'il respecte cette décision. En même temps, il n'y a pas de match d'ici mars. Cela laisse le temps de la voir arriver, cette évolution judiciaire. En janvier, Noël Le Graët confie à un journaliste de l'équipe qu'il reçoit de nombreuses lettres racistes demandant l'exclusion de Karim Benzema. On a l'impression tout d'un coup, parce que j'aime bien Benzema, que je deviens quelqu'un de malhonnête, de mal élevé. Il faut quoi? Il faut dire à mort l'arabe? Qu'est-ce que c'est tous ces gens qui m'écrivent où je vois fait Benzema dehors? Certainement pas. Je gère cette affaire comme je l'entends. La formule est forte, c'est d'ailleurs sur le terrain du racisme que le clan Benzema va organiser sa défense, quitte à mettre le feu aux poudres. Le vendredi 11 mars 2016, le contrôle judiciaire est levé pour Benzema. il peut désormais et de nouveau voir Valbuena et donc jouer à ses côtés. 4 jours plus tard, le Premier ministre Manuel Valls est invité à s'exprimer sur RMC à propos de l'affaire. Je pense que les réunions, les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour que Karim Benzema vienne dans l'équipe de France. Il est toujours mis en examen. Et puis, on sent bien qu'il y a eu quelque chose. Bon, en même temps, c'est la décision de la Fédération française de football et du sélectionneur. Mais attention, l'exemplarité. Je me rappelle ce qui s'est passé il y a quelques années avec l'équipe de France en Afrique du Sud. Il y a eu beaucoup de mal à sortir de cette période. C'est notre patrimoine. C'est la deuxième fois que Manuel Valls s'exprime publiquement pour s'opposer au retour de l'attaquant madrilène en évoquant l'exemplarité. Karim Benzema lui répond directement sur Twitter. 12 saisons que je suis professionnel. 541 matchs joués, 0 carton rouge, 11 cartons jaunes. Et certains parlent de mon exemplarité. 15 mars 2016. Karim Benzema n'a pas besoin des médias pour s'exprimer. Un tweet suffit. C'est l'un des Français les plus suivis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il a plus de 10 millions de followers sur Twitter, 22 millions sur Facebook et 32 millions sur Instagram. 64 millions en compteur. Pour vous donner une idée, c'est 8 fois plus qu'Emmanuel Macron. Le 13 avril 2016, Karim Benzema grille la politesse à tous les médias et annonce lui-même, sur Twitter bien sûr, une nouvelle qui lui brise le cœur. Malheureusement pour moi et pour tous ceux qui m'ont toujours soutenu et supporté, je ne serai pas sélectionné pour notre Euro en France. 13 avril 2016. Alors que Noël Le Graët, président de la FFF, et Didier Deschamps, le sélectionneur, semblait défendre le joueur, il est écarté du groupe. Un mois plus tôt, l'équipe faisait sa une avec une phrase de Deschamps à propos de Benzema. « Tous les pays nous l'envient ». Le sélectionneur développe dans l'interview et dit « Vous n'êtes pas attaquant du Real pendant 5 ans avec Mourinho, Ancelotti, Reinitez ou Zidane comme ça ». Alors, que s'est-il passé ? Didier Deschamps, qui a sondé la vie des autres joueurs tricolores, a-t-il voulu préserver son groupe de certaines tensions ou s'agit-il d'une raison extra-sportive ? Échaudé par le fiasco de Kingsta en 2010 et les différentes affaires qui ont terni l'image des Bleus, la Fédération française de foot a-t-elle voulu éviter toute polémique avant cet Euro organisé en France ? Les différents sondages hostiles à Karim Benzema publiés dans la presse ont-ils également joué un rôle ? Tout est possible. Toujours est-il que la polémique reprend un peu plus d'un mois plus tard, avec un missile envoyé par un ancien attaquant des Bleus qui n'a pas sa langue dans sa poche, un certain Eric Cantona. Il déclare le 26 mai dans une interview au Guardian « Benzema est un grand joueur. Ben Arfa est un grand joueur. Mais Deschamps, il a un nom très français. » Peut-être qu'il est le seul en France à avoir un nom vraiment français. Personne dans sa famille n'est mélangé avec quelqu'un. Vous savez, comme les Mormons en Amérique. Je ne suis pas surpris qu'il ait utilisé la situation de Benzema pour ne pas le prendre. Surtout après que Manuel Valls ait dit qu'il ne devrait pas jouer pour la France. Ben Arfa est peut-être le meilleur joueur en France aujourd'hui, mais il a des origines. Je suis autorisé à m'interroger à propos de ça. Une chose est sûre, Benzema et Ben Arfa sont deux des meilleurs joueurs français et ne seront pas à l'Euro. Et pour sûr, Benzema et Ben Arfa ont des origines nord-africaines. Donc, le débat est ouvert. 4 jours plus tard, c'est l'humoriste Jamel Debbouze qui en rajoute une couche dans les colonnes de France Football. Benzema est l'un des meilleurs attaquants du monde. Ben Arfa, lui, est le meilleur joueur français de la saison en Ligue 1. C'est incontestable, tout le monde l'a vu. Il n'a pas sa place en réserve. Ces gamins représentent en plus tellement de choses, notamment en banlieue. N'avoir aucun de nos représentants en équipe de France, quand on vient des quartiers, on a une mécanique qui nous est propre. Avec un mélange de joie, de frustration et d'envie, on veut bouffer la terre entière, mais avec nos potes et notre famille. Tant qu'on ne permet pas aux quartiers d'évoluer, qu'on ne fera pas des Silicon Valley, qu'on ne leur permettra pas de s'épanouir humainement, socialement et économiquement, on leur en voudra toujours d'être ce qu'ils sont. Karim Benzema et par extension Atem Ben Arfa paye la situation sociale de la France d'aujourd'hui. Mais c'est Karim Benzema et son clan qui mettent le feu aux poudres avec une interview accordée au quotidien sportif espagnol Marca. On peut y lire. Didier Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Karim Benzema ajoute qu'en France, un parti extrémiste, le Front National, est arrivé en seconde position lors des 2 dernières élections. Voilà, la bombe est lâchée. Après cette déclaration fracassante, toute la société réagit. Le débat est clivant. Une chose est certaine, accuser Didier Deschamps de raciste n'a aucun sens. Mais quelques jours après l'interview de Karim Benzema, la maison familiale du sélectionneur des Bleus est taguée de l'inscription « raciste ». Une blessure profonde qui ne s'est peut-être pas encore aujourd'hui refermée. Karim Benzema n'a pas traité Didier Deschamps de raciste et on peut même se demander si c'est lui qui a eu l'idée de cette interview ou bien ses proches conseillers, en tout cas une erreur de communication, c'est certain. Aujourd'hui, l'affaire de la sextape n'a pas encore été jugée. Karim Benzema n'a plus porté le maillot des Bleus depuis octobre 2015. Depuis, l'équipe de France a été finaliste de l'Euro et a gagné la Coupe du Monde 2018. Depuis, Karim Benzema a gagné 3 Ligues des Champions supplémentaires après avoir remporté la première en 2014, toujours avec le Real Madrid. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Benzema, qui ne concerne pas que Benzema, vous l'avez compris. Nous allons en parler avec notre invité, Grégory Schneider. Bonjour. Bonjour. Journaliste pour le journal Libération, vous avez suivi de près tous les rebondissements de cette affaire. D'abord, nous parlons d'une affaire autour du foot, mais dans autour du foot, il y a foot. Et dans foot, il y a Karim Benzema. Et dans Benzema, il y a un joueur, un grand joueur, avec un grand palmarès. Quel est votre regard uniquement sportif sur Benzema, déjà? C'est une véritable merveille. Et c'est, si vous voulez, c'est comme il y a des cinéastes pour cinéastes, Benzema, c'est un footballeur pour footballeur. C'est-à-dire qu'il fait des choses sur un terrain qui sont détectables que par les joueurs eux-mêmes. Alors, c'est des appels, des décrochages, c'est un petit temps de suspension avant de lâcher le ballon. On sent, enfin, il a une formation très, très universitaire, en fait. Il est passé par toutes les filières d'excellence du football français. Et c'est pas comme on pourrait Pensez à, par exemple, un joueur comme Ribéry ou même Zidane, où il y a un côté presque animal ou presque très, très sensitif avec le ballon. Benzema, c'est très cérébral, c'est particulièrement intelligent, tout est réfléchi, le moindre geste est paramétré. Il a quelque chose de très spécial et ça l'a servi au Real Madrid parce que ça lui a permis de rentrer en fait dans un vestiaire et dans un contexte où il y avait des joueurs plus grands que lui. C'est-à-dire, oui, ça lui a permis d'être en fait de s'adapter pour être une pièce du puzzle. En fait, il a le choix des armes sur un terrain. Il peut faire énormément de choses. Et en fait, c'est voilà, moi, c'est un peu ce que j'en retiens, c'est-à-dire que vous pouvez décortiquer des actions. Moi, je me souviens le premier match, le deuxième match de Didier Deschamps, c'est en Finlande. Il fait une passe décisive pour un joueur qui s'appelle Diaby. Et je me souviens l'avoir regardé 5-10 fois la passe décisive avec le temps de suspension. Il attend, il tourne un peu sur lui-même, il attend que le joueur prenne l'espace. C'est d'un raffinement exceptionnel. Et puis de toute façon, pour être au niveau, et parfois supérieur, mais au moins au niveau de ses coéquipiers au Real Madrid, il faut déjà avoir le niveau, parce que oui. Ramos, Gareth Bale, Ronaldo, quand il jouait au Real, Modric, enfin, faut être à la hauteur. Il a toujours été il s'est toujours débrouillé pour être une pièce centrale du puzzle, en fait. Parfois légèrement périphérique quand ça l'arrangeait politiquement, pour pas faire de l'ombre à Cristiano Ronaldo. Mais ça, il faut savoir le faire. Et s'il avait fallu que ce soit le joueur central autour duquel tout tourne, il aurait su le faire. Si c'est un peu l'adjoint d'un joueur supérieur, il sait le faire. S'il faut le faire jouer numéro 10, il sait le faire. Si vous le faites jouer sur un côté, il sait le faire. C'est vraiment quelqu'un de, on sent qu'il a une culture footballistique énorme, en fait. C'est un peu le contraire d'un talent brut. D'une certaine manière, on pourrait le, mais voilà, c'est son identité de joueur. Alors ça, c'est le côté lumière, le côté peut-être plus ombragé, c'est celui dont nous avons parlé, et surtout son entourage, son ex-agent Karim Jaziri et son ami Karim Zenati. On peut pas dire qu'il était bien entouré. Moi je les connais pas, ces gens. Je connais un peu Jaziri. Il faut comprendre que ça, Jamel Debbouze en a un petit peu parlé. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est issu des quartiers il est né à Bron, c'est pas forcément le coin le plus facile pour émerger. Vous avez tendance en fait à faire émerger en même temps que vous l'identité qui vous a nourri. C'est-à-dire qu'il a, lui, s'est toujours targué de ne jamais avoir changé d'amis, d'environnement, c'est-à-dire qu'il a tendu la main. Zenati, il était employé par Benzema il avait monté une petite boîte de promotion autour de son nom pour les, alors je sais pas ce que faisait concrètement Zenati, il faisait peut-être des tas de choses, mais en fait, il est resté dans son milieu et il a pas voulu en changer, quelque part, ça colle avec une espèce de code d'honneur ou quelque chose qui lui est propre. Enfin, ça vient pas de nulle part, quoi. Vous savez, les joueurs de foot, quand ils émergent, il y a énormément de gens qui se greffent, en fait, sur eux. Moi, je me souviens d'un gardien qui s'appelait Jérémy Jeannot, qui jouait à Saint-Etienne. Il dit, quand ma banque m'appelle pour me proposer un service financier, j'en viens me demander s'ils essaient pas de me carotter ou de me voler quelque chose ou de me planter. Alors que sa banque avait pignon sur rue, c'était une grande banque. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont peur de tout. Et l'air de rien, vous restez dans votre environnement, ça vous sécurise un peu quand vous atteignez les cimes ou le voilà. Ah oui, mais cela dit, alors vous dites si je dis vrai, Karim Jaziri et Karim Zenati étaient avec dans l'expédition punitive. Contre la presse. Contre un bon confrère en plus. C'est pour ça que je disais qu'il est pas forcément bien entouré. C'est des méthodes qui sont absolument inacceptables. C'est comme ça qu'ils ont vu les choses. Il y avait un côté, alors je veux surtout pas les dédouaner, mais il y avait un côté à vif autour de ça, puisque en fait, on sait, Benzema, il rate le premier gros wagon avec les Bleus ce jour-là, c'est-à-dire contre l'Allemagne, puisque c'était son équipe. Voilà, il faut comprendre ce qu'est le contexte d'une compétition internationale. Vous avez une tête de pont et c'est son équipe, comme l'équipe de 2018 était celle de Griezmann. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les coachs incarnent ça. Donc c'est pas la moitié, c'était pas cassé la gueule à moitié, si vous voulez. Donc quelque part, il y a eu quelque chose de viscéral et de violent, et il y a quelque chose qui a débordé. C'était juste oublié pour ce match, vous parlez du match France-Allemagne, en 2014 au Brésil, c'était oublié que la France était un peu en reconstruction et qu'aller en quart de finale d'une Coupe du Monde, c'est toujours prometteur. La preuve, c'est qu'après, on les a retrouvés en finale de l'Euro et ils ont gagné la Coupe du Monde. C'est vrai, mais lui, c'est pas une grosse défaite, quoi. Non, mais lui, devant les champions titres, enfin, les champions de 2014. Mais lui, voyait pas ça comme ça. Moi, je me souviens, alors, j'étais devant lui quand il est arrivé en zone mixte juste après le match, et ça, ça a été peu dit, parce qu'on a une image de Benzema, de quelqu'un d'un peu détaché, d'un peu arrogant, un petit côté bonjour, bonsoir. Mais il était au bord des larmes quand il arrivait en zone mixte. Et alors il est arrivé. Redites-nous ce qu'est la zone mixte. La zone mixte, c'est. Pour nos auditeurs. C'est l'endroit où, après les matchs, les joueurs viennent parler aux journalistes. Ah. Et il s'est planté donc devant tous les micros, dans une position bien axiale. Il a pas parlé à côté. Il était le personnage central de la pièce. Et c'était son échec. Et moi, je l'ai vu au bord des larmes. Il y avait quelque chose où on s'est dit à un moment donné, on a même un petit peu abrégé parce qu'on voulait pas, vous savez, le mec doit être quand même conforté dans sa dignité. On n'est pas, oui, voilà, on voulait pas trop en faire, mais il était vraiment, il était torpillé. Il y avait quelque touché. Chose là. Touché. Alors, quand on l'accuse, si vous voulez, de pas chanter la Marseillaise ou de pas avoir l'équipe de France dans son cœur, ou il y a quand même quelque chose qui est pas passé autour de ça, voilà. Non, mais c'est intéressant aussi de discuter avec quelqu'un qui le connaît, parce que l'image médiatique est pas forcément avenante. Hein, il est pas forcément sympa, il sourit pas, tout ça. Bon, mais dites-vous qu'il a une ligne de vie quand même, une certaine fidélité par rapport à ses principes, par rapport à l'endroit d'où il vient. Voilà. Et on a une autre vue du personnage, c'est intéressant. Oui, mais c'est par exemple, alors ça vient même de certains de ses coéquipiers. Alors ça va vous faire comment dire, c'est un petit peu délicat de dire ça comme ça, mais il jouit d'un vrai prestige en fait. Déjà de par sa position de joueur, parce que les footballeurs sont les premiers à savoir qu'il est légitime. Voilà, qu'il est plus fort qu'eux. Et alors quand eux racontent leur leurs amourettes ou leur lui raconte qu'il était dans le jet privé de Rihanna, alors ça tout de suite une autre gueule, si vous voulez. Donc il c'est quand même un mec important, c'est quand même un type qui en plus avait un peu endossé ce leadership, parce que tout le monde le pressait depuis plusieurs années d'endosser le leadership. Je me souviens, il y avait une interview pendant l'Euro 2012 de Zidane où il disait il faut qu'il prenne le pouvoir, le truc est à lui, ou enfin lui il est plus joueur qu'autre chose, c'est quelque chose qui le dérangeait un peu. Mais dans l'affaire Valbuena, si on regarde ça d'une certaine manière, on peut y voir, et d'ailleurs c'est sa ligne de défense, le fait d'endosser ce leadership au-delà du terrain. Ce qui lui est toujours reproché jusqu'ici, qu'il ne le fasse pas ou qu'il échappe un peu. Vous savez, être le joueur majeur d'une équipe, c'est avoir les épaules très larges. C'est parler à la presse quand ça va pas, c'est prendre les coups. C'est ce que faisait remarquablement un joueur comme Ibrahimovic au PSG, par exemple. Et ben Benzema essayait, alors parfois un peu maladroitement, il essayait un petit peu de dire des choses, c'est pas un communicant. Mais il s'est forcé quand même pour rentrer dans ce costard entre 2012 et 2016. Ouais. Bon. Alors maintenant, la vraie question, une fois qu'on a tiré le portrait psychologique du joueur, la vraie question de toute cette affaire, mais enfin, c'est pourquoi a-t-il accepté d'entrer dans cette histoire avec Valbuena? Qu'est-ce que c'est que c'est quoi? Lui dit, j'ai voulu aider Valbuena. Voilà, okay. lui dit ça. Alors, il y a les codes, un peu les codes de quartier que manifestement il a entretenu. Vous en avez parlé dans votre récit. L'interview qu'il donne est terrible. Les écoutes sont terribles. Les écoutes sont terribles. On va lui pisser dessus, frère. Il y a des choses un petit peu comme ça. Et il y a une phrase notamment terrifiante. Et je pense que c'est à l'époque, c'est ce qui nous, enfin moi, c'est surtout celle-là qui m'avait heurté. Il parle donc à Zenati. Et il dit, il ne nous prend pas au sérieux. Valbuena ne nous prend pas au sérieux. C'est-à-dire que, et ça je pense que Valbuena a quand même dû l'avoir sévère, c'est-à-dire que normalement, Valbuena et Benzema sont attachés par un lien qui est le lien du foot. Ils ont vécu des choses extraordinaires ensemble. Ce sont les deux meilleurs joueurs du match France-Ukraine qui a fondé toute la reconstruction des champs qui mène au titre de champion du monde en 2018. Donc quelque part, il y a quelque chose qui pouvait pas être cassé entre les deux. Et là, Benzema, quand il dit ne nous prend pas au sérieux, il le casse. Puisqu'il fait part. Il fait part avec Zenati contre Valbuena. C'est-à-dire que le lien de footballeur qu'il a avec Valbuena devient secondaire. Ça, c'est une phrase terrible. Parce que, au fond, le foot est soumis à beaucoup de prédations. Il y a des enjeux économiques. Il y a des choses dont on n'a pas idée. Mais la dernière frontière, c'est quand même le joueur et ce qui attache les joueurs entre eux sur un terrain. Et là, Benzema le casse. Et ça, ça a été, moi je me souviens avec pas mal de confrères et tout, à notre échelle, ça a été nucléaire. On s'est dit, si Benzema tourne même le dos à ça, il nous reste rien. Ouais. Il y a plus de football, il y a plus de, ça devient juste des petites communautés d'intérêts ponctuelles. Et c'est sordide. Et c'est sordide, voilà. Parce que le foot, c'est quand même ce qui attache les gens ensemble. Casser ce lien, ça n'a plus de sens. Voilà. Et je crois que, enfin, sur les écoutes, c'est ça, nous, qui nous a donné le frisson. Enfin. Alors, on a dit dans le récit que Valbuena l'avait mauvaise. Il y a de quoi? Oui, ça c'est. Et vous l'avez vu, Valbuena, vous? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment il exprimait ça? Bah, moi, j'étais plus près pour rien vous cacher du clan Benzema, enfin au niveau info, hein, puisque on était très. Mais Valbuena, en fait, s'en est jamais remis. Ça l'a torpillé du jour au lendemain. Il a eu la très mauvaise idée de par ailleurs de signer à Lyon. Donc il était en terre, il était un peu sous la juridiction de Benzema, c'est-à-dire que c'est on sentait que le club était embêté avec lui, puisque Lyon il y a un sentiment d'appartenance que Lyon veut jamais casser avec ses joueurs. Donc en fait, et avec Olas aussi. Et avec Olas, voilà. Et en fait, on l'a senti couler quasi à vue d'œil. L'interview qu'il donne à nos confrères du Monde, en fait, c'est cette interview qui déclenche la mise au tas de Benzema par la fédération. Et en fait, on voit un joueur en désarroi, on voit un joueur seul, on voit un joueur qui, alors qu'il pensait quand même, il dit un truc quand même, il disait, bon, les policiers, donc comme vous l'avez dit dans votre récit, il avait prévenu qu'un joueur de l'équipe de France pouvait prendre langue avec. Mais Benzema, c'était pas possible. C'était le dernier auquel on pensait. Auquel on pensait. Et en fait, on l'a senti, lui, d'après l'interview qu'il donnait dans Le Monde, presque rejeté. Alors, il met Nasri dans le coup, d'ailleurs. Ouais. Il dit, alors, Samir Nasri avait proposé ses bons offices pour faire lui-même l'intermédiaire et me pigeonner. C'est-à-dire qu'on sent qu'en fait, le monde du foot lui tourne le dos. C'est-à-dire, on sent qu'il a plus grand, qu'il a plus grand chose à faire valoir, quoi. Ouais, oui. Il y a un sentiment de solitude qui était terrible. Et puis, à l'autre interview, donc dans l'émission Le Secret des Sources, diffusée le 11 juin 2016 sur France Culture, Vincent Duluc, journaliste du journal L'Équipe, on va l'entendre, revient sur la polémique déclenchée donc par cette interview donnée par Benzema au journal Marfa, le 1er juin 2016, cette fameuse interview où il déclare notamment « Deschamps a cédé une partie raciste de la France ». C'est surtout de la communication organisée, c'est un élément de langage qui n'appartient pas à Benzema. Moi, je pense que Karim Benzema est fondamentalement un type bien. Je vous surprends. Je pense vraiment que c'est un type bien. Je pense que il est complètement persuadé qu'il a rien fait de mal. Je suis persuadé. Pour lui, il a fait que des choses normales. Il a vraiment rien fait de mal et il comprend pas ce qui lui arrive. Mais là, dans sa manière de se défendre, c'est un élément de langage qui lui appartient pas, qui pour moi appartient plutôt à son entourage, pour le coup. Et son entourage sait très bien que s'il dit pas que Deschamps est raciste, il provoque le buzz autour de la possibilité qu'il le soit, ce qui revient exactement au même. Et c'est ça un petit peu c'est ça le problème. Il faut même pas nier que ça soit vrai parce que ça servira à rien. On doit pas accepter de répondre sur ce débat-là. Mais si on veut défendre, tout le monde sait que Didier Deschamps a perdu son frère, mais tout le monde sait que son véritable frère, c'est Marcel Desailly. Rien n'a de sens dans tout ça, mais effectivement, il faut même pas nier qu'il le soit, ça sert à rien. C'est un mauvais débat. Bon, alors, qui est derrière cette stratégie de mettre le débat sur la question du racisme? Parce que c'était, effectivement, c'était... Ouais, mais il y a deux dangereux de faire ça. Il y a deux possibilités. Il y a Karim Jaziri, son agent, il y a Dupond Moretti, son avocat. Voilà, l'avocat. Donc c'est très simple. Maintenant, moi, par rapport à... J'entends ce que dit Vincent, c'est vrai que c'est la phrase qui a éloigné définitivement. Mais d'une certaine manière, comment dire, vous avez fait état dans votre récit de sondages, on faisait des sondages tous les trois jours où, en fait, les Français, en amont de l'euro, expliqué qu'il ne voulait plus voir Benzema en équipe de France. Il y avait entre 66, 75, 80%. Alors déjà, j'apprenais à l'époque qu'on faisait des sondages sur ce genre de trucs, mais bon, bref, l'opinion publique était contre son retour en équipe de France. Or, pour le simple fait qu'il a passé très longtemps à ne pas marquer avec l'équipe de France. Oui, alors il y avait peut-être aussi ça, mais je pense que ça a pesé quand même. Ouais, alors ça pouvait peser, mais voilà, le truc, c'est que vous aviez quand même un euro à domicile à disputer, avec en plus de l'argent public engagé, avec... Et des vraies chances de victoire. Et des vraies chances de victoire. Donc il y avait quand même une nécessité pour Deschamps, froidement, d'établir un lien entre son équipe et le public. Ça, il fallait que ça soit. Or, quand vous avez 70% des Français, on va prendre ce chiffre, c'était à peu près autour de ça, qui dit on veut plus le voir, le lien, il est abîmé. Ou le lien, il est un peu hypothéqué. Et je peux pas m'empêcher de croire que d'une certaine manière. Alors après, dans les 70% qui veulent pas de Benzema, quelle est la part de son inefficacité? Quelle est la part de racisme? Quelle est la part de... Moi, je peux pas vous apporter la réponse. Chacun a une petite idée du pays dans lequel il vit. Mais il me semblait pas délirant, même si c'est provocateur et même si les conséquences, comme l'a dit Vincent, ont été catastrophiques, il me semblait pas délirant de penser que parmi les 70% de Français, il y avait une part qui ne voulait pas voir Benzema parce que, de par ses origines, de par le fait qu'il s'affichait comme quelqu'un venant des quartiers, moi, très franchement, venant de Libération, ça me semble pas profondément choquant de penser qu'il y avait une part de ça. Donc, mais c'est vrai que, comme l'a dit Vincent Duluc, ça sent l'habileté, ça sent le truc de com pour mettre... Oui, ça sent la stratégie, mais qui dépasse Benzema. Ah bah, là, il va prendre le scud, il a quand même pour le moins présumé de sa force dans cette affaire. Mais sur le fond, Est-ce qu'il n'y a pas une part de racisme dans le rejet que Benzema subit à ce moment-là? Très franchement, moi je ne pense pas qu'on puisse tout à fait écarter cette possibilité. D'ailleurs, le racisme dans le football est une question qui se pose encore, alors qu'elle se pose de moins en moins dans d'autres secteurs. Elle se pose dans les tribunes. Ben voilà. Plus d'ailleurs dans certains pays européens que chez nous, mais elle se pose quand même. Oui, d'autant qu'en plus, Benzema avait quand même a toujours endossé ces codes-là, quelque part. Il a jamais fait le ménage dans son entourage. Il a toujours été très, il n'était pas copain avec les journalistes. C'était, alors, pour avoir une des interviews, c'était quand même la croix et la bannière. Il avait les réseaux sociaux pour ça. Il avait, voilà. Donc, non, mais c'était, hein? c'est un type qui était assez, qui s'est jamais occupé d'entretenir des liens avec à la fois les Français, les journalistes, les médias. Voilà, donc pour lui, il s'est quand même placé en position difficile. Mais sur le fond de son message, c'est à chacun de juger. Moi, ça me semble pas absurde. En tout cas, heureusement qu'il lui reste, si j'ose dire, le Real Madrid. Parce qu'on dit, parce que c'est rien de résiduel, le Real Madrid. C'est le club, le premier club historique en Europe. Hein, c'est le numéro un. Tout à fait. Au niveau du palmarès. Oui, oui. On n'est pas obligé de l'aimer. Au niveau du palmarès, c'est le numéro un. La France va en finale de l'Euro 2016 sans lui et les championnes du monde sans lui. Oui, alors, c'est dur pour un footballeur quand même ça. Tout à fait. Alors bon, Deschamps vous savez, la question s'est posée quand même du retour de Benzema. C'est-à-dire qu'il y en a quand même dans le vestiaire qui sont quand même inquiétés de savoir auprès de leur sélectionneur pourquoi. Et alors il y a un joueur qui m'en avait parlé une fois, alors, sous couvert d'anonymat, puisque c'est quand même extrêmement. Alors souvent la plupart n'ont pas pris position. Il y a que Loris qui a pris une position anti-Benzema officielle. Gardien de l'équipe de France et de l'équipe de Tottenham. Oui, et capitaine. Mais sinon ils sont tous tenus, en tout cas officiellement, enfin publiquement, ils sont tous tenus loin de là. Et en fait, Deschamps a eu cette phrase quand ce joueur pose la question, alors Karim, bon voilà, et Deschamps répond, il dit, en enlevant Benzema, j'ai fait grandir Griezmann. Alors, on peut le voir comme ça, système de race communicant. On peut toujours le voir comme ça, parce que quand vous enlevez quelque chose, la nature horreur du vide, certains prennent la place et ils sont champions du monde derrière. Donc, mais rien ne dit non plus qu'ils n'auraient pas été champions du monde avec Benzema, si vous voulez. On peut aussi retourner le postulat quelque part. Non, il y a quand même derrière ça, il y a quand même une injustice sportive, quoi qu'on en pense, qui a été accomplie. Je pense que même Deschamps quelque part en conviendrait. Mais il reste l'Euro 2020. Ah ben pour l'Euro 2020 il y aura pas plus de Benzema que de beurre en manche, non. Il y a quasiment aucune chance. Alors si on peut, parce qu'il y a quand même une clé qui a été lâchée. Alors Deschamps s'est jamais exprimé, c'est ça toute la difficulté du problème. Deschamps s'est jamais exprimé frontalement sur le cas Benzema. C'est-à-dire qu'il lâche de temps en temps une petite phrase, c'est parfois oblique, ça se réfère à des périodes obscures. Alors on se dit, est-ce que là il parle de l'histoire de la sextape, est-ce que là il parle du tag sur c'est très lié Deschamps, c'est un jeu voilà, contre, voilà, hein. C'est un jeu de. Mais c'est un jeu de contre. Il y a quand même une phrase, parce que. Défensif quand même. Voilà, parce que. Le Grette avait milité auprès, moi je peux vous le dire, auprès de tout son conseil fédéral pour qu'on reprenne Benzema pour l'Euro en amont de l'Euro. Le Grette avait milité, il les avait retournés un par un, parce que plus personne voulait de Benzema après Nisna, après après Zaya, après. Le Grette avait milité en disant, le foot, il a été condamné de rien. De par ses origines, les gens l'aiment pas, parce qu'on vous avait fait état des donc alors le foot doit servir de vecteur d'intégration et on doit se servir de l'équipe de France comme exemple. Et Deschamps a lâché une phrase dans l'équipe en novembre dernier. Prenez l'exemple de ce que j'ai vécu avant l'Euro 2016. Le foot n'a pas de couleur, pas de religion, mais je ne me sentirai jamais obligé non plus de prendre un joueur pour ces raisons-là. Ouais. Sous-entendu, il y avait la doxa Le Graët qui était, il faut le réintégrer pour démontrer ce qu'est le football, et Deschamps vous dit, le foot ne s'utilise pas, il n'est ni bon ni mauvais, il est le foot. Et je ne l'utiliserai pas fût-ce pour des bonnes raisons. Voilà. Didier Deschamps, champion du monde en tant qu'entraîneur, champion du monde en tant que Français, voilà. Champion d'Europe avec la Juve, enfin, c'est incroyable, ce palmarès de dingue. Bah, tant mieux pour lui, après tout. Merci infiniment, Grégory Schneider, pour tous ces éclairages sportifs et extra-sportifs autour de cette affaire. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Sextape dans le football, une émission que vous pouvez réécouter en podcast et sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour tous les commentaires autour de cette émission. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui.